Je m'appelle Zig Zag Zag Zag Zag Zig Zag Zig Zag Zag Zag Zag. Je cherche ma maman zan zan zan. Je cherche mon papa za za za. Où sont mes parents zan zan zan? Que je ne connais pas, que je ne connais pas. J'ai des poils de lion zan zan zan. Des sabots de mouton d'Andenne. Je sais pas d'où je viens zan zan zan. Avec mes oreilles de chien, mes cornes de chevreau. Mes ailes de poulet, je ressemble à personne, je ressemble à personne. Je m'appelle Zig Zag Zag Zag Zag Zig Zag Zig Zag Zag Zag Zag. Je cherche ma maman zan zan zan. Je cherche mon papa zan zan.